Nous avons souvent parlé autour de cette table de la notion d'intelligence animale, également de l'émotion animale, pour en conclure à chaque fois qu'il était compliqué en éthologie du 21e siècle de se défaire des biais anthropomorphiques dans notre approche et notre compréhension de ces modèles animaux. Mais qu'en est-il de l'instinct ? S'il y a bien une notion qui nous paraît relever de l'animalité plus que de l'humain, c'est celle de l'instinct. Mais qu'entend-on par instinct ? De la fuite devant un prédateur à la sélection des proies, en passant par la construction d'un nid ou d'un terrier, qu'est-ce qui relève de l'inné ? Qu'est-ce qui relève de l'acquis ? Et ces deux notions ont-elles encore un sens à l'ère de la génomique et de l'épigénétique ? Inné, acquis, où est passé l'instinct ? C'est le problème que nous allons tâcher de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger au plus profond de cet instinct animal, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici à la Maison de la Radio Anne-Sophie d'Armaillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en biologie du comportement à l'Université de Caen, chercheuse au sein de l'UMR Éthologie Animale et Humaine, équipe neuroéthologique cognitive des céphalopodes et secrétaire de la Société Française de l'Étude du Comportement Animal. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux avec Gilles Boeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, professeur à Sorbonne Université, ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle et président du Conseil Scientifique de l'Agence Française de la Biodiversité. Vous pouvez suivre cette émission, et bien comme chaque jour, vous le savez, sur les ondes de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter, @laméthodefc. On trouve des corrélations, par exemple, entre la fidélité dans un mariage et le ton des fiançailles. Une autre chose assez intéressante, les oies ont un mariage fidèle pendant toute leur vie, mais cependant, ils peuvent devenir infidèles au regard de la copulation. C'est différent dans les jarres et dans les oies. Dans la femelle, la copulation est toujours corrélée à l'amour, l'amour entre guillemets, pendant que dans le jarre, il se peut très souvent faire une dissociation de l'amour et de la copulation. Il reste ensemble avec une femelle, il garde son nid, il défend ses petits, mais cependant, il fait la copulation aux autres femelles qu'il ne va pas défendre, qu'il ne suit pas et qu'il, encore guillemets, il n'aime pas. Ah. Est-ce qu'il y a des sentiments de jalousie chez les oies ? Oh oui, décidément. Ils sont même jaloux des hommes. J'ai eu un père de Canada dont la femelle était très apprivoisée et avait encore quelques affections infantiles pour moi quand je l'avais élevée. Et elle donnait la cérémonie de triomphe avec moi. Et le jarre ne le permettait pas. Il le jetait entre elle et moi pour l'empêcher de m'approcher. Et ils font la même chose si leur femelle a la tendance de s'approcher d'un autre jarre. Voilà. Conrad Lorenz, nous sommes en mars 1962 dans l'émission « Où, quand, comment » sur le RTF à propos de l'instinct conjugal chez les oies, c'est l'archive que vous venez d'entendre. Alors à propos de ces comportements sexuels et conjugaux des oies, je parlais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission du biais anthropomorphique en éthologie. Pour le coup, Gilles Boeuf, là on nage en plein dans l'anthropomorphisme. Oui, mais c'est difficile d'y échapper. En fait, c'est une vraie habitude à prendre. Ça dépend beaucoup aussi des modèles animaux sur lesquels on travaille. On a du mal, effectivement, à anthropomorphiser une huître. On le fait beaucoup plus facilement avec un primate plus proche de nous. Je crois qu'il y a beaucoup de nuances dans tout ça. L'éthologie a fait des progrès gigantesques. N'empêche que le trio qui obtient le prix Nobel en 73, Lorenz, von Frisch et Tinbergen, ont joué un rôle essentiel parce qu'ils ont montré que tout ce qu'on imaginait souvent comme profondément et uniquement humain, elle n'était absolument pas. Et ça remet l'accent, d'ailleurs, sur le côté animal de l'humain. Nous sommes animal, pas que ça, bien évidemment, mais nous avons une physiologie profondément animale, y compris dans nos comportements. Cette archive permet effectivement, comme vous venez de le mentionner, Gilles Boeuf, de comprendre comment a évolué l'appréhension de la notion d'instinct en éthologie. Mais finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'instinct, Anne-Sophie d'Armaillac ? C'est une vaste question. Vaste nous avons question. Une heure pour y répondre, donc on peut commencer. À vous l'honneur. Il a fallu des décennies pour essayer de se mettre d'accord, et c'est encore compliqué parce qu'on n'a pas une définition claire de l'instinct. Il y a plusieurs définitions. Il y a l'aspect présent à la naissance. Pendant un moment, on disait un comportement est instinctif quand on l'observait à la naissance. Il y a l'aspect non appris, donc plutôt envisager un comportement par la négative. Bon. Il y a l'aspect génétiquement programmé. C'est peut-être l'aspect qu'on retiendra le plus. Parce que beaucoup de ces... Enfin, j'en ai cité trois parmi sept ou peut-être plus. Et beaucoup de ces points ont été critiqués très, très vivement, notamment par les behavioristes qui étaient opposés à cette notion d'instinct. Aux objectivistes dont Lorenz faisait partie, on va en reparler tout à l'heure un peu plus avant, pour essayer effectivement de circonscrire ce qu'on entend par instinct. Je le disais dans l'introduction, Gilles Boeuf, l'instinct c'est presque consubstantiel de l'animalité. L'instinct animal, ce serait même chez l'être humain finalement cette part d'animalité qui réside en nous. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui de parler d'instinct. Comment est-ce qu'on pourrait l'appréhender selon vous ? Bon, moi je pense qu'on peut en parler. De toute façon, ça a d'autres sens. Ça a un sens commun aussi chez l'ensemble des humains. C'est pas uniquement une définition scientifique. D'ailleurs, moi, je mettrais les plantes dedans aussi. Hein. Est-ce que les plantes ont un instinct ? C'est une vraie question. On a pas mal de travaux en ce moment qui montrent que les plantes sont capables de comportements très curieux. Alors, sans parler de l'intelligence des plantes, j'irai pas jusque-là, parce que tout à l'heure, ma collègue parlait que c'est difficile de définir l'instinct. C'est aussi difficile de définir l'intelligence. Mmh. Et quand on anthropomorphise, on va parler d'intelligence animale. Est-ce que la truite est intelligente ? Est-ce que les font l'est, est-ce que l'huître l'est ? C'est des vraies questions qui sont intéressantes. Donc il faut à chaque fois retravailler dans le contexte et surtout travailler sur des espèces ou des individus qui sont mis dans des conditions, je dirais, les plus naturelles possibles. C'est compliqué de faire des travaux avec des résultats non ambigus uniquement à partir de l'élevage. On peut faire des choses, hein. Mais depuis qu'on travaille, nous, par exemple, au muséum avec Sabrina Krief sur nos chimpanzés en Ouganda, on a fait des découvertes qu'on n'aurait jamais pu faire effectivement sur des animaux élevés en captivité. Là, vous êtes dans la droite ligne de l'école des objectivistes et de Lorenz, hein, qui voulait absolument justement étudier les animaux dans leur milieu naturel. Alors pour l'instant, pour continuer à essayer de tourner un peu autour de cette notion, j'ai pris une définition toute simple, hein, la plus simple à portée de main, c'est la définition du Larousse que je vous soumets, parce qu'il y a quelques éléments intéressants qui vont susciter votre réaction là-dedans. Le Larousse parle d'ensemble des comportements animaux et humains caractéristiques d'une espèce, transmis par voie génétique, qui s'exprime en l'absence d'apprentissage, impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce. Que pensez-vous de cette définition, Anne-Sophie Darmagnac ? Effectivement, c'est la définition envisagée par Lorenz, quelque chose qui était caractéristique d'une espèce, qui allait être transmis de parents vers les enfants. Moi, je dirais oui. Il y a des comportements qui sont très rigides, qui sont très stéréotypés, qui vont être caractéristiques alors d'une espèce, mais qu'on va retrouver chez plusieurs espèces. Mais c'est pas que ça. L'instinct a été défini par les comportements innés. Donc innés, c'est un gros mot, hein, en France. Inné et acquis, on y reviendra tout à l'heure. Inné et acquis, ce sont des mots compliqués. Les anglo-saxons l'utilisent assez facilement. Nous, bah, de par tous les débats qu'il y a eu sur l'inné et l'acquis en Europe, il y a des collègues qui tirent un trait sur ce terme-là. Moi, je pense qu'à partir du moment où on entend bien ce qui se cache derrière, on peut l'utiliser. Donc, qui est programmé génétiquement, on a quand même à la base un génome, mais on sait maintenant que ce génome va être modulable, va être modifiable par l'environnement et les comportements. Alors, certains vont être très, très, très stéréotypés, mais pourront être quand même modulables par l'expérience et par l'environnement de l'animal. Gilles Boeuf, sur cette définition, il y a plein d'items intéressants dans cette définition du Larousse. Il y a l'absence d'apprentissage, il y a l'impulsion innée, il y a l'invariabilité dont on va beaucoup parler. Est-ce que ça vous semble regrouper aujourd'hui l'acception, alors qui n'est peut-être pas scientifique, mais qui est en tout cas courante de la notion d'instinct en éthologie ? Bah, si vous voulez, dans la définition du Larousse, bah, globalement elle me va aussi, bien sûr, c'est le mot invariable qui me gêne un peu. En plus, on a une question fondamentale quand on parle de ces aspects particuliers, c'est le fait qu'on imagine toujours que le rhinocéros blanc, c'est le rhinocéros blanc, le gorille de montagne, c'est le gorille de montagne, l'huître creuse, c'est l'huître creuse, alors que, mettons l'huître à part en tout cas, les individus sont aussi différents entre eux que le sont effectivement les humains entre eux. Ce qui fait qu'on sait très bien maintenant que vous avez des individus au sein de populations qui vont avoir des comportements différents face à quelque chose. Pour moi, ce qui est important, c'est de soumettre toujours l'animal à une situation qu'il n'a jamais vécue auparavant. Hein, c'est comme ça qu'on peut faire des différences effectivement intéressantes, en dehors de l'arc réflexe, bien sûr, qu'il connaît depuis très longtemps, qui est instinctif, mais c'est pas de l'instinct. C'est beaucoup plus rapide que ça. C'est le fait qu'il faut qu'on considère les espèces animales comme étant autant variables qu'entre les individus humains entre eux. Alors, l'instinct, ça va être la partie, justement, assez invariable, mais pas totalement invariable, qui fera qu'on aura une réponse qui va caractériser l'espèce. Mais dès le moment où on va un peu plus loin et qu'on s'intéresse à la réaction d'un individu, ça change beaucoup de choses. Et l'individu, c'est pas forcément une situation où il se retrouve dans une situation, quelque chose auquel il a été préparé. C'est-à-dire, il a été enseigné là-dessus. Non, vous avez des individus qui sont plus malins que d'autres et qui transmettent des gènes beaucoup plus intéressants que des choses classiques comme on les imagine avec le plus fort ou le plus grand ou le plus beau. Anne-Sophie d'Armagnac. Oui, en introduction, vous parliez de la fuite face à un prédateur ou de comportements fondamentaux. La survie, c'est échapper au prédateur, c'est trouver à manger, c'est se reproduire pour transmettre ses gènes. Typiquement, si on regarde la fuite face à un prédateur, des études ont montré que des proies qui n'avaient jamais été en contact avec un prédateur étaient capables de réagir à des odeurs de ces prédateurs-là. Donc ça, c'est quand même une indication forte que ce serait un comportement génétiquement programmé, spontané, mais... Donc de l'inné, on peut dire. On mettra tous les guillemets qu'il faut autour de ces notions d'inné et d'acquis, mais pour le moment, on peut les employer encore. Et donc il y aurait des peurs innées, des prédateurs. Mais l'environnement est un environnement changeant. Hein, le monde, c'est tout sauf stable, ça change tout le temps. Et on sait que les proies peuvent aussi apprendre à reconnaître un individu comme étant un danger. Donc on voit bien que... C'est quand même important de réagir très vite à des menaces pour survivre, mais qu'il y a quand même une part d'apprentissage qui est possible dans ces comportements défensifs. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et sur le cri du loup à 16h12 sur France Culture, nous parlons de l'instinct animal en compagnie d'Anne-Sophie d'Armagnac qui est avec nous ici à Paris et de Gilles Boeuf qui est en duplex avec nous depuis les locaux de France Bleu Gironde. On peut effectivement peut-être retracer parce que ça permet de comprendre comment on a complexifié cette compréhension de l'instinct, de l'inné et de l'acquis au fur et à mesure des progrès que l'éthologie a fait au cours du XXe siècle. On peut peut-être revenir, Gilles Boeuf, sur l'idée qu'au début, il y a deux mouvements au début de ce qu'on va appeler, sous votre contrôle bien évidemment, l'éthologie contemporaine, moderne, actuelle, c'est-à-dire depuis la seconde moitié du XXe siècle, deux grands courants de pensée qui s'opposent sur ces questions-là, les behavioristes d'un côté, les objectivistes de l'autre. Oui, en fait, on avait classé le règne animal en deux parties. Ce qui correspondait au triomphe de l'instinct. Et leur exemple favori, c'était un requin, par exemple, un requin-tigre, qui soumis à une situation, encore une fois, qu'il n'avait jamais rencontrée, qu'il ne connaissait pas, a la même réaction. Tout à l'heure, on parlait avec Anne-Sophie de la fuite. Vous avez des animaux qui ne fuient pas, ils se cachent. Tout existe, en fait. Et au cours du temps, par exemple, l'animal va très bien apprendre que le prédateur est là, présent, à côté de lui. Il sent. Cet animal, bien sûr, hein, il le voit, il le sent, il le perçoit, mais il fuit pas parce qu'il sait très bien que l'animal n'est pas en chasse à ce moment-là. Et on voit effectivement des accumulations d'espèces vivantes à un point d'eau. Moi, j'étais récemment en Afrique du Sud. Vous avez des moments où le léopard cohabite ainsi que le lion parfaitement avec toute la faune qui est autour, qui savent très bien qu'ils sont pas à ce moment-là dans une position d'agressivité. Donc, c'est plus compliqué que le seul fait de sentir ou de voir. Et ça, je pense que ça s'apprend avec le temps, effectivement. Donc, pour revenir à nos histoires, oui. Le triomphe de l'instinct, ça allait jusqu'à où? Je sais pas. Une huître. Est-ce que l'huître réfléchit à faire quelque chose? À Caen, ils connaissent très bien les mollusques. Les céphalopodes sont très particuliers parmi les mollusques. C'est ça. On les adore encore. Les mollusques beaucoup intelligents, plus, vous voulez dire. Les céphalopodes, oui. On va vous renvoyer. On avait consacré une émission entière aux céphalopodes et à leur grande intelligence qu'on peut comparer aux corvidés, même à certains primates. Bon, vous allez nous donner des exemples tout à l'heure, Anne-Sophie Darmanin. La chance à Anne-Sophie, parce que j'adore les céphalopodes. J'ai vu récemment ces petites séquences de la BBC. Je sais pas si vous l'avez vu, Anne-Sophie, de ce mâle de grande sèche qui change de couleur pour ressembler à une femelle. Instantanément, alors que les deux grands mâles sont en train de se battre pour la possession des femelles. C'est absolument génial. Là, on est dans la cognition, dans la tromperie. Oui, complètement. Et chez un invertébré, c'est quand même pas banal. Donc, ils sont très particuliers, nos céphalopodes. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que ce sont quand même les seuls animaux dits invertébrés qui ont été classés dans les espèces sensibles parmi tout le règne vivant. En fait, ils sont tous sensibles, mais simplement, l'humain ne reconnaît la sensibilité qu'à certains. Donc, pour revenir à ces écoles, on avait schématisé le triomphe de l'instinct, ce qui veut dire que l'animal, mis dans une condition particulière, encore une fois, qu'il n'avait jamais vécu, réagissait toujours de la même façon. Ça, c'était les behaviorists. Ouais, de l'autre, où là, effectivement, chaque individu était... D'abord, c'était difficile de dire c'est la réponse du rhinocéros blanc ou c'est la réponse du gnou. C'est la réponse d'un individu gnou, d'un rhinocéros blanc, dans des conditions particulières. Et c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça, ça serait beaucoup trop facile. Et puis aussi bien que le règne vivant et la biologie sont beaucoup plus compliqués que ça. Et surtout, je reviens sur ce que disait Anne-Sophie à l'instant, moi, j'aime pas trop la notion de programme génétique, j'y crois pas trop. Hein. Ce que je crois, ce à quoi je crois, avec Guillaume Lecointre, on discute souvent au muséum de ces questions-là, il y a par contre une condition génétique, mais on sait très bien qu'il est en permanence, est remise en question et remodulée parce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, un environnement qui varie et qui change, y compris l'environnement sensoriel et l'environnement psychologique, bien sûr. Un mot peut-être, Anne-Sophie d'Armaillac, sur ce qui va constituer, en fait, qui est la grande filière de l'éthologie contemporaine. Et le propos, on va l'entendre dans un instant dans le reportage, des objectivistes, c'est-à-dire Lorenz von Frisch et Tinbergen. Nicolas Tinbergen. Ouais, Tinbergen, qui ont reçu, comme le disait Gilles Boeuf tout à l'heure, le prix Nobel de physiologie en 1973 pour leurs travaux. Qu'est-ce qu'ils postulent précisément sur ces questions d'instinct animal ? Alors déjà, eux, leur approche, c'est une approche naturaliste. C'est observer les animaux, le plus grand nombre d'espèces animales en milieu naturel. Alors pour Lorenz, ça s'est transformé en du milieu semi-naturel parce qu'il élevait les oies chez lui, mais c'était quand même sans contrainte, en relative liberté. Et donc leur idée, c'était d'essayer de classer les espèces, de créer une phylogénie sur la base des comportements. Comme on va faire des sélections sur des critères physiologiques où eux, c'était le comportement. Et donc, ils cherchaient ce qui était commun à toutes ces espèces-là et qu'on allait retrouver de façon, on y revient, invariable chez tous les oiseaux en particulier. Et à ce propos, Nicolas Tinbergen a créé d'ailleurs quatre questions, les fameuses questions de Tinbergen que vous pouvez peut-être nous rappeler et qui permettent précisément qui sont les rouages de cette classification. Alors, oui, nous, on a tendance à dire que ce sont les quatre piliers de l'éthologie. Voilà. Alors, c'est Tinbergen lui a en particulier proposé la quatrième question. Donc, il y a deux grands types de questionnements, les questionnements proximaux qui concernent la causalité immédiate. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va produire tel comportement à tel moment ? Donc ça va être physiologique, interne, hormonal, peu importe. Les questions sur le développement, donc ça c'est ce que Tinbergen a vraiment apporté à ce questionnement. Ça, ce sont les approches proximales. Et puis, on a deux autres questions qui ont plutôt une dimension ultime, qui concernent la fonction du comportement. Pourquoi l'animal va produire ce comportement-là à ce moment-là? Et puis, une question plus évolutive, cette fois-ci à l'échelle de l'espèce, comment est-ce que ça a évolué dans la branche phylogénétique à proprement parler. Ouais. Il y a quelque chose d'important qui est spécifié hein, par cette approche objectiviste, c'est la nature stéréotypée de ces comportements, de ces réactions qui vont être corrélées à la notion d'instinct. Ouais. Alors il y a ce fameux exemple des oies grises qui roulent des œufs qu'elles perçoivent en dehors du nid. Et donc, ils s'étaient amusés à placer un œuf en dehors du nid. Donc, l'oie va étirer son cou, va commencer à ramener l'œuf vers le nid en le roulant avec son bec. Et si on subtilise l'œuf à un moment donné du roulage, ben, l'oie va continuer à faire le mouvement alors que l'œuf n'est plus présent. Donc, c'était ce type de comportement qu'ils appelaient stéréotypé parce qu'ils sont déclenchés par un stimulus, mais quand le stimulus disparaît, ben, le comportement continue jusqu'à la fin. Gilles Boeuf, sur cette approche objectiviste, avant d'entendre le reportage, peut-être effectivement sur cet aspect, cette invariabilité des comportements dits, entre guillemets, instinctifs. Ben oui, si ces comportements sont toujours les mêmes et invariables, quelque part, ils ont effectivement une racine. Vous savez, on a récemment montré sur des perruches de Nouvelle-Zélande qui pondent 4 œufs dans un nid et qui pondent toujours 2 œufs au centre du nid et 2 œufs à la périphérie du nid. Et les écologistes qui voulaient sauver une espèce qui était en voie de disparition se sont mis à récupérer ces œufs et à les remettre au centre du nid. Or, le comportement de l'espèce était bien correct avec ce qu'il pouvait faire. Il pouvait pas élever 4 petits. Donc, le fait de ramener effectivement 2 œufs, les 4 œufs au centre du nid faisait qu'ils ne se cassaient pas lorsque les oiseaux revenaient au nid et tombaient. Or, ils n'arrivaient pas à en élever 4. Vous voyez que quelque part, il y a inscrit dans cette perruche de Nouvelle-Zélande le fait que même s'ils pondent 4 œufs, ils peuvent mener à terme que l'élevage de 2 petits, la plupart du temps. Et que si l'humain vient perturber le système, ça risque d'arriver à quelque chose, parce qu'on va contre-sélectionner des systèmes qui vont faire que les 4 œufs seront pondus à la périphérie, et là, ça ne marchera plus. Alors comment cette conception objectiviste de Lorenz a-t-elle modifié en profondeur la façon d'envisager cette question de l'instinct animal de la part d'inné et d'acquis dans ses comportements ? Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. La piste de l'instinct animal vous a amené jusqu'à l'université de Paris-Nanterre. Oui, toutes les pistes mènent à l'université Paris-Nanterre. Ou ouais, sur le plateau de Saclay parfois. Parfois, ça arrive aussi. Et pour nous guider dans les méandres de cette notion d'instinct telle que l'interprète et l'étudie l'éthologie, je suis allé rencontrer Michel Kreutzer, qui est éthologue et professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, vous le disiez. Michel Kreutzer nous explique l'apport déterminant de Konrad Lorenz et Nicolas Steenbergen à la redéfinition du concept d'instinct en éthologie et à son étude chez les animaux dans la nature. Lorenz et Steenbergen nous apprennent que c'est en nature qu'on peut bien comprendre le comportement animal et qu'une grande partie des comportements des animaux ne proviennent pas d'apprentissage, mais que c'est un héritage de la phylogénèse, comme la morphologie et la physiologie. Voilà. Il y a des choses qu'ils n'ont pas à acquérir, ils les savent déjà. Et quand Lorenz reprend cette idée d'instinct, d'inné, en fait, il s'inscrit contre les théories, à l'époque, qui sont des théories empiristes, qui sont très anciennes, qu'on dit que l'école anglaise, les animaux, dans leur relation avec leur milieu, apprennent par leur sens, etc. Et Lorenz s'inscrit dans une tradition qui est celle des rationalistes, de Kant et d'autres, qui disent qu'il y a des a priori, voilà, les humains comme les animaux, il y a des choses qu'ils n'ont pas à apprendre. Pour Kant, c'était l'espace et le temps. Et Lorenz va dire, chez les animaux, on voit aussi des comportements que les animaux n'ont pas à apprendre. Ils sont innés, c'est un héritage de la phylogénèse. Voilà. Et ça, je me dis que ça apporte quelque chose de nouveau, ça permet de comprendre le comportement des animaux en nature. Voilà, c'est la grand passage, là, au lieu d'être en laboratoire, on peut apprendre le comportement des animaux en nature. Ça, c'est un des premiers éléments. Il y en a un deuxième, si je peux me permettre, c'est qu'à l'époque, on hérite aussi de toutes nouvelles technologies pour manipuler le son. On peut enregistrer, on peut aller en nature, transformer les sons au laboratoire, les rediffuser en nature, et on peut enfin essayer de travailler sur le chant des oiseaux, diffuser des chants à des oiseaux et voir comment ils réagissent, et prendre aussi comment les oiseaux apprennent leur chant. Alors comment on étudie expérimentalement une notion comme l'instinct ? L'instinct, pour Lorenz, à l'époque, c'est assez facile de le mettre en évidence. Pour lui, il fait ce qu'il appelle des éthographes. C'est-à-dire, on regarde le comportement d'un animal dans une situation particulière, par exemple de parade, ou bien un animal qui va courtiser une femelle, alors parade vis-à-vis des femelles, ou bien les parades d'intimidation que les mâles peuvent avoir entre eux, et on voit des séquences de comportement. Et il dit, quand on regarde ces séquences de comportement, on s'aperçoit que... D'un individu à un autre, dans la même situation, ce sont toujours les mêmes types de séquences. Ils n'ont pas à les apprendre, parce que si on place les individus en dehors d'une situation d'apprentissage, ils n'ont jamais vu de congénères se comporter dans cette situation, eh bien les individus les développent d'eux-mêmes, spontanément. Ça, c'est de l'instinct. Pour Lorenz, l'instinct, c'est une séquence innée d'actes moteurs. Alors que pour d'autres, ce seront des motivations, ce seront des mécanismes de reconnaissance. Lui, pour lui, d'emblée, l'instinct, c'est une séquence innée d'actes moteurs. Alors, le chant des oiseaux est-il une séquence innée d'actes moteurs ? Voilà une question que se posaient les éthologues. Et à l'époque, il y a déjà des réponses d'anglo-saxons comme Thorpe qui ont montré que si on met des oiseaux chanteurs en isolation acoustique, eh bien, ils sont incapables de chanter des chants normaux. Ils doivent entendre des modèles de chant de leur espèce pour chanter normalement. Donc il y a un apprentissage. Mais d'un autre côté, si on donne à ces oiseaux en isolation acoustique, on leur diffuse par haut-parleur différents types de chants, dont des chants de leur espèce, ils vont apprendre particulièrement, spécifiquement, les chants de leur espèce. Et là, on est tout de suite sur cette question, instinct, intelligence, instinct, apprentissage, inné, acquis. C'est ce qui faisait à l'époque le thème majeur de l'éthologie. Après, les choses vont bien changer, mais à l'époque, c'est cela. Et comment les choses ont changé justement ? Comment cette notion-là a évolué et aujourd'hui, comment on la considère en tant qu'éthologue ? Dans la théorie de Lorenz, la théorie objectiviste, il y a une part très importante de cette théorie qui repose sur le darwinisme. C'est-à-dire que les individus, comme leur morphologie, comme leur physiologie, eh bien, elle est adaptée à leur survie, à leur mode de relation avec leur environnement. Et quand on regarde une espèce... Tous les comportements, de ce point de vue, seraient à peu près les mêmes. Les comportements de ces individus seraient à peu près les mêmes. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui va poser problème à beaucoup d'auteurs. Parce que quand ils vont regarder les individus en nature ou au laboratoire, parfois ils vont se dire « mais ils ne se comportent pas tous exactement de la même manière ». Il y a des variations, il y a des différences. Alors, Lorenz pensait qu'il était darwinien, un pur darwinien, et d'autres vont lui dire « mais non, il y a meilleur darwinien que vous, parce que un élément important dans la théorie darwinienne de l'évolution, c'est qu'il y a de la variabilité entre individus. Et justement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour faire ceci ou cela. Et ceux-là, ils ont plus de chances de survivre, ils ont plus de chances d'avoir des descendants. » Autrement dit, vous avez éliminé la variabilité. Et c'est par la variabilité, ce qu'avait éliminé Lorenz, que va arriver une nouvelle théorie, qui est la théorie de la, disons, de la behavioral écologie. En quoi consiste-t-elle, du coup, cette théorie ? Alors, cette théorie, elle change beaucoup de choses, parce que les individus sont considérés comme des agents qui gèrent des budgets en énergie, et en gérant ces budgets en énergie, ils chercheraient à optimiser des bénéfices et minimiser des coûts. On voit là l'influence de théories qui viennent de la psychologie, ou plutôt de des sciences sociales et de l'économie, et qui sont utilisées là directement pour étudier le comportement animal, avec l'idée que si certains individus sont meilleurs que d'autres, qu'ils augmentent leurs chances de survie et de reproduction, alors on est typiquement dans le cadre d'une théorie darwinienne améliorée par rapport à celle qui était celle de Lorenz et Tinbergen, où ils avaient éliminé la variabilité. Quelque chose qui peut sembler assez paradoxal, c'est qu'un instinct peut être appris. Alors comment ça se fait ? Lorsque Lorenz et Tinbergen considèrent qu'à la naissance ou à l'éclosion, les individus présentent des comportements, beaucoup vont leur faire remarquer que déjà dans l'œuf, les individus, lorsqu'ils sont des oiseaux, pourraient déjà apprendre un certain nombre de choses. Ou bien, avant leur naissance, les individus ont déjà eu, via leur mère, des imprégnations neuro-endocrines qui peuvent venir modifier leur comportement. Alors, les auteurs vont parfois dire que les instincts peuvent être appris. Et Peter Marler, qui s'est intéressé à l'apprentissage du chant chez les oiseaux, avait cette formule amusante. Il disait le chant des oiseaux, c'est un instinct d'apprentissage. Voilà, les oiseaux vont apprendre quelque chose. Et pour cela, ils sont mus par une curiosité, un intérêt, des prédispositions neuro-endocrines, et que cet finalement instinct qu'ils vont développer, il va subir un façonnage par l'apprentissage. Donc les deux sont assez indissociables. Voilà donc, pour simplifier un peu notre affaire, que l'on vient d'apprendre que les instincts peuvent être appris. Ça commence à compliquer un peu l'équation, Gilles Boeuf. Oui et non, parce que on peut pas dissocier, on l'a dit tout à l'heure, et là j'aime bien ce que disait notre collègue de Nanterre, il disait en fait que les individus sont pas tous pareils, cette variabilité est essentielle. Moi j'ai vu des tas de fois, moi j'ai travaillé longtemps sur les poissons, pour vous assurer qu'un poisson X c'est pas un poisson Y, chez les humains on sait très bien, hein. Et là ça va compliquer pas mal de choses, parce que quelle est effectivement la part, et ça repose au rôle de l'intelligence d'ailleurs. Est-ce que l'intelligence, c'est pas justement le fait, face à une situation qu'on n'a jamais vécue, de trouver le plus vite possible la meilleure solution pour nous tirer d'un mauvais pas, par rapport à d'autres qui vont s'embourber dans des réactions qui sont beaucoup trop stéréotypées? Et c'est très compliqué. Et je pense que dès le départ, effectivement, c'est important. Mais les manips qui ont été faites tout à l'heure, qui ont été rappelées, sont quand même claires, effectivement. Il y a des choses, par contre, qu'on n'apprend pas. Hein. Un bébé main, il va commencer à marcher à un âge précis. Il ne va pas commencer avant. Et s'il commence beaucoup plus tard, c'est que ça ne va pas. L'apprentissage du langage aussi, de l'échange avec sa maman, on sait maintenant que chez l'humain c'est compliqué, parce que, mais chez les grands sages pareil, on est fait du même tissu. On a sans arrêt un mélange de choses qu'on pourrait qualifier d'instinctives et de choses qui sont qualifiées d'apprentissage. Regardez, sur une abeille, elle vit 3 semaines. Une abeille de 3 semaines fait des choses que ne peut pas faire une abeille de 1 jour. Donc même sur une vie aussi courte, malgré un instinct extraordinaire chez ces insectes sociaux, ben ils apprennent des choses. Ça veut dire qu'il faut complètement repenser, on l'a abordé Anne-Sophie Darmaillac au début de cette émission, on va en reparler un peu tout à l'heure après la musique, mais ça veut dire qu'il faut totalement repenser ces notions d'inné et d'acquis, complètement, si on peut apprendre, si l'instinct s'apprend, si l'instinct peut être déclenché, comme on l'entendait, à certains moments de la vie et pas à d'autres, et pas être quelque chose originel, c'est-à-dire dès la naissance, si l'instinct peut déjà concerner la version larvaire ou la version fœtale, enfin, que faut-il en penser ? Je pense qu'il ne faut pas chercher à les séparer. C'est, exactement. Nos prédécesseurs se sont écharpés à vouloir essayer de dire c'est inné, c'est acquis, c'est moi qui ai raison. finalement, moi je suis très sensible à ce que disait Michel Kreutzer dans le reportage, c'est que pendant longtemps on s'est basé à la naissance. On regardait ce qui se passait à la naissance, que ce soit chez l'humain, que ce soit chez l'animal. Alors chez l'humain, les progrès de l'échographie, l'imagerie a permis de s'intéresser un peu plus au fœtus. L'intérêt des espèces qui pondent des œufs, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe dans l'œuf. Donc en fait, plus ça va et plus on essaye de remonter le temps. Moi, c'est vraiment au cœur de ce que je fais. C'est pareil, j'ai commencé à regarder les comportements des bébés, des adultes. Céphalopodes, hein, des sèches, essentiellement. Oui. Exactement. Et puis, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. On se dit, OK, l'adulte a des préférences. Chaque sèche a une préférence différente. Alors, est-ce que c'est lié à son expérience personnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est déterminé plus tôt? Donc, on remonte à la naissance. On regarde le bébé qui, a priori, n'a pas d'expérience. Et puis, on remonte avant la naissance et on se rend compte que déjà dans l'œuf, l'embryon perçoit plein de choses. Il sent des odeurs, il voit des mouvements, parce que chez la sèche, la capsule est un petit peu, en fonction des espèces, plus ou moins translucide. Donc ce qu'on pensait être inné est présent à la naissance. Finalement, c'est quelque chose que l'animal a déjà expérimenté dans l'œuf. Donc l'instinct appris, finalement, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Et même l'embryon est sous la dépendance de ce que ses parents leur ont transmis. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne fera jamais, on répondra jamais à cette question. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis? C'est un mélange des deux. C'est vraiment intriqué, très intimement intriqué. Et on ne peut pas, expérimentalement. On ne peut pas faire la différence, on ne peut pas tirer de ligne qui sépare l'un de l'autre. Une question tout de même peut-être sur cette question de la variabilité qui a été reprochée à Lorenz d'éliminer la variabilité inter-individuelle. Peut-être, Gilbeuf, pourrait-on tout de même parler d'instinct ou d'invariable majoritaire, c'est-à-dire que la majeure partie des éléments d'une population a un comportement stéréotypé? Est-ce que ça fait sens? Pourquoi pas? Mais regardez le test du marshmallow. Vous savez qu'on fait souvent avec les enfants, qu'on a repris des chimpanzés récemment, qui consiste à promettre à un jeune enfant une friandise et lui dire, voilà, si tu ne la donnes pas tout de suite, dans 2 heures, tu en auras 2. Il y a en gros un tiers des humains, et on montre que c'est les plus malins, qui acceptent d'attendre beaucoup plus longtemps pour recevoir le marshmallow. 2 heures, c'est un peu long pour les enfants. En général, c'est 10 minutes. Non, c'est justement, il y en a qui peuvent attendre 2 heures. D'accord. Oui. Et c'est pareil chez les chimpanzés. Ce qui veut dire, et on se rend compte chez ces individus par la suite, justement, dans ce qu'ils vont donner, effectivement, on a des relations intéressantes. Donc, quelque part, qu'est-ce qui est né, qu'est-ce qui est acquis? Ce qui est inné, c'est qu'on a envie. Même Lorenz, je retrouvais une texte de Lorenz qui disait en 73, on nous dit que tout ce que nous appelions autrefois inné et tout ce que nous appelions autrefois acquis ne peuvent se définir que comme le contraire l'un de l'autre. C'est absolument faux. Donc même lui, en fait, dès le départ, il le disait, c'est ce qu'on dit avec Anne-Sophie, là. Je pense qu'il faut qu'on arrête de l'opposer. Ce qui serait aussi stupide, c'est de dire que maintenant, l'humain n'a plus d'instinct parce qu'on prépare l'humain à des conditions de vie tout à fait différentes et complètement sophistiquées par une technologie. Heureusement que nous avons encore de l'instinct. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good, c'est normal, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture à 16h35. C'était Nina Simone. Nous parlons tout au long de cette heure de l'instinct animal au sens large du terme, qui est une notion que nous avons partiellement disqualifiée dans la première partie de cette émission, donc on va essayer d'aller un cran plus loin. Nous en parlons avec Anne-Sophie Darmaillac, qui est maître de conférence en biologie du comportement à l'université de Caen et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux avec Gilles Boeuf, qui est biologiste et professeur à Sorbonne Université. Alors, puisqu'on vient de dire que la notion d'instinct a été, disons, grossièrement disqualifiée en éthologie contemporaine, que les notions d'inné et d'acquis ne sont pas relevantes ou n'ont plus de fondement scientifique, que de quoi faut-il parler? Que reste-t-il à l'éthologie aujourd'hui pour qualifier ces comportements qui sont, eux, bien réels, ces phénotypes? On parle de quoi? D'héritabilité? Anne-Sophie Darmaillac. Moi, j'ai pas peur de parler de comportement inné. C'est pas, je vous dis, les collègues anglo-saxons intitulent leurs articles innate behavior et ça passe très bien. C'est difficile de parler de façon très générale. Peut-être que si on prend l'exemple du nouveau-né chez le bébé d'humain, pour téter, c'est une des premières choses qu'il va faire à la naissance. Il va y avoir des stimuli visuels qui vont déclencher ça, la coloration un peu plus foncée de l'aréole, probablement des odeurs. Donc il va avoir naturellement ce comportement-là. Après, évidemment, ce sera probablement guidé par des odeurs qui lui rappelle son environnement prénatal. Donc il y a quand même un apprentissage prénatal. Mais ce comportement inné s'accompagne de l'apprentissage prénatal qui va lui permettre d'aboutir au comportement complet. Mais il y a toujours une composante innée. Moi, je parle de comportement inné. Gilles Boeuf ? Ah bah, ça ne me gêne absolument pas de parler de comportement inné non plus. On l'a dit tout à l'heure, en fait. Hein. Bon, heureusement qu'il nous reste de l'instinct. Simplement, la chose qui a beaucoup changé, c'est de les mettre absolument comme le contraire de l'autre. C'est tout. Hein. Ce sont des comportements qui peuvent se mêler, qui peuvent être successifs dans le temps, mais je pense souvent beaucoup plus entremêlés. Il y a des choses instinctives, des choses qui sont liées à des choses qu'on va apprendre. Après, je vous dis, moi, je suis un farouche défenseur de la variabilité. J'ai trop vu de différences entre des individus. Alors, évidemment, ça dépend à quel type d'animal on va faire référence. Encore une fois, je reviens à l'huître. On pourrait essayer chez les mollusques. C'est pas toujours très simple. Mais n'empêche que chez beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux, et c'est comme disait Jean-Pierre Changeux, où commence la conscience? Une représentation de soi qui va modifier ces questions d'inné et d'acquis. Mais je pense que éliminer, dire qu'il n'y a plus d'inné et d'instinct, ça serait une erreur. Hein. C'est, l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a plus d'inné ni d'instinct, de dire que ce sont des items qui posent un problème de définition ou d'acception scientifique. C'est de dire qu'aujourd'hui, c'est chercher à essayer de les redéfinir. Puisque si on parle d'héritabilité, ça veut dire que forcément, on est obligé d'aller jeter un œil du côté de ce que nous indique la génomique, de ce que nous indique également l'épigénétique. Est-ce que ça veut dire que tout comportement inné est nécessairement déterminé par les gènes, Anne-Sophie Darmaillac. Gilles Boeuf, je vous entends réagir tout de suite. Gilles Boeuf et Anne-Sophie Darmaillac après. Pas uniquement. Est-ce que l'intelligence est déterminée par les gènes? C'est une vraie question. C'est aussi compliqué de définir l'intelligence que de définir l'instinct. Même, je crois que c'est beaucoup plus compliqué encore de définir l'intelligence. Quelle est la base d'héritabilité de l'intelligence? C'est des vraies questions qu'on se pose tous les jours. Mais sur, il y a sur des espèces. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Il y a des espèces qui sont plus prédisposées que d'autres à de la réflexion ou de la prise en compte de l'événement présent pour réagir plus vite, ça c'est clair. Quel est le but finalement dans tout ça? C'est de transmettre à sa descendance un support génétique qui va permettre effectivement de transmettre les meilleures possibilités pour une évolution, une adaptabilité à un environnement qui change. Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, l'environnement il change en permanence. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est pas tellement le changement qui nous inquiète aujourd'hui, nous écologues et environnementalistes, c'est la vitesse du changement qui nous préoccupe. Et est-ce que la base du vivant actuel est permet de suivre cela? C'est des vraies questions qu'on se pose en permanence. Hein. Et tout varie dans tous les sens. Et si on met, bien sûr, là-dessus des interactions avec les activités humaines, d'exploitation, de surexploitation et aussi de pollution des environnements, de destruction systématique, c'est pour ça que de l'éthologie aujourd'hui sortie des conditions écologiques, moi, ça ne me paraît pas la meilleure solution. Il n'y a pas un gène qui code pour un comportement. Un gène code pour une protéine et on va avoir... Un ensemble de protéines qui vont structurer le cerveau, parce que c'est ça qui analyse l'environnement, qui permet de prendre les décisions ou de produire le comportement en tout cas. Donc c'est toujours dangereux d'essayer de chercher le gène de quelque chose. L'idée n'était pas de chercher le gène, l'idée était de chercher le siège de l'inné. Qu'est-ce qui à un moment donné permet d'avoir cette invariabilité comportementale que l'on trouve chez certaines espèces, parfois chez plus de certaines espèces, à certains stades de l'existence, comment est-ce qu'ils s'organisent génétiquement, mais en termes pour aussi de neurobiologie, en termes d'endocrinologie, est-ce qu'on a une idée? Est-ce que l'éthologie apporte un certain nombre de réponses à ces questions-là aujourd'hui? Tout ça, c'est dans l'approche, dans les questions de causalité immédiate. Qu'est-ce qui fait que l'animal se comporte comme ça? Est-ce que c'est un environnement hormonal? Est-ce que c'est un stimulus dans l'environnement qui a déclenché ce comportement-là? Évidemment que si on parle d'inné, on parle quand même de programmes génétiques, des choses qui sont présentes dans le patrimoine. Après, on parlait d'abeilles un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que dans le règne animal, on a tendance à considérer les invertébrés comme plus sujets aux instincts, plus sujets aux comportements stéréotypés, des petites machines robots qui vont fleurs manger, et typiquement chez l'abeille, pour pas parler que de mon modèle des céphalopodes, mais typiquement l'abeille, on a réussi à montrer qu'avec un petit cerveau, les abeilles étaient capables d'apprentissage complexe, de concepts configurationnels ou de catégorisation, donc des choses qu'on n'attendait pas chez des petits robots. Ça veut dire, Gilles Boeuf, que la prévalence des comportements stéréotypés n'est pas corrélée à la complexité du système nerveux central. Oulala. Si on regarde simplement l'organisation je dirais mécanique, physique, phénotypique de l'abeille n'a pas de cerveau, au sens où on entend un cerveau. Elle a effectivement des configurations neuronales particulières qui sont pas au niveau d'une sèche, ça, c'est clair, mais n'empêche qu'elle fait des choses extraordinaires. Donc, faut surtout pas vouloir... Vous savez, on avait voulu à un moment mesurer ça à travers la taille du cerveau ramenée à la masse du corps. Bien sûr. Les dauphins étaient géniaux. Le dauphin, il est pas mieux qu'un chien, et le chien est pas si génial que ça. Donc, ça veut dire que, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. À un moment, on avait dit, plus on a un génome important, et plus on est intelligent, c'est archi faux. Vous avez des invertébrés, surtout des micro-algues marines, que connaît bien aussi Anne-Sophie à Caen, qui ont des génomes beaucoup plus grands que le génome humain, avec beaucoup, beaucoup plus de gènes. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de relation à ce niveau-là. C'est beaucoup plus une organisation. Et c'est là que les céphalopodes sont remarquables parmi le groupe des invertébrés, qui est un groupe d'ailleurs complètement bricolé. C'est l'humain qui a inventé ce terme d'invertébré. Qu'autre chose. Donc, ça veut dire que l'abeille, elle est fascinante. Moi, je l'entends très bien. Les termites aussi, parce qu'elles font des choses à la fois au niveau de l'individu, au niveau du comportement. Quand avec les termites qui thermorégulent parfaitement au demi-degré près une termitière, c'est magique. On sait toujours pas faire ça, nous, les humains. Ce qu'on appelle l'intelligence sociale, on avait consacré une émission entière à cette question-là aussi, de l'intelligence sociale. Faut mettre intelligence entre guillemets, en tout cas, de la cognition sociale. On va vous mettre le lien. Voilà. Voilà, c'est compliqué à utiliser. Mais là, tout ça tourne autour de la même chose. L'intelligence qu'on évoquait tout à l'heure, l'inné, l'acquis. OK, il y a des choses qui sont programmées, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, Anne. Sophie, ben, bébé, il tète. Hein. Mais il n'y a pas que le bébé humain. Hein. Tous les petits mammifères savent faire ça depuis le début. Donc, ils savent marcher dès le début. Parce que c'est vital dans leur environnement pour s'en sortir. S'ils ne l'avaient pas fait, ils ne seraient plus là aujourd'hui. Et je pense que le principal défaut de l'humain aujourd'hui, qui expérimente moins les éthologues que les autres, c'est d'imaginer que tout ce qui n'est pas humain est stupide. Quoi. Mmh. Mais je ne dis pas qu'ils font ça, les éthologues. Je parle des humains classiques qui ne sont pas éthologues. Et c'est vrai qu'il y a une connotation négative à ces comportements innés. Ça fait un peu primitif, c'est inné, c'est instinctif. Et c'est faux, parce que c'est complètement vital. Regardez, pour comparer un truc qui est très très suivi, c'est toute la réaction immunitaire. Donc on connaissait l'immunité, justement, non spécifique chez les invertébrés, comme dit Lorraine Sophie, puis la spécifique, c'était les êtres très développés, les humains, les mammifères de haut de gamme. Aujourd'hui, on voit qu'un humain qui est opéré à cerveau ouvert ou à cœur ouvert développe une immunité non spécifique incroyable, qui était là avant l'autre. Et ce qui est intéressant dans l'évolution, c'est de chercher les moments, justement, où ceci se met en place. Et on voit que l'évolution, on parlait d'hormones tout à l'heure, d'une hormone comme la mélatonine ou la sérotonine, des neuromédiateurs, ont joué des rôles dans l'évolution totalement différents selon les êtres vivants qui les ont exprimés. Ça change au cours de l'évolution, ça se réutilise, ça se reprend. Anne-Sophie connaît bien les yeux des céphalopodes, ils sont fabuleux, les yeux des céphalopodes, ils sont largement aussi beaux que les nôtres. Puis c'est oublié pendant un certain temps et ça ressort dans le système. Pour revenir au nombre de gènes, on s'est beaucoup intéressé aux yeux, nous, avec mon copain Gehring. Il faut au moins 2000 gènes pour faire un œil. Alors imaginez un comportement, hein. Bien sûr. Un mot tout de même, Anne-Sophie d'Armaillac, sur cette question de corrélation entre la complexité du système nerveux central et la prévalence, la quantité ou le côté de ces comportements stéréotypés. Bref, on constate tout de même chez les mammifères, plus on avance, plus on arrive au bout de la chaîne trophique, plus on trouve des zones corticales non spécifiques, des zones corticales non spécifiques plus grandes. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ces zones corticales non spécifiques, donc une forme de plasticité cérébrale, et la libération, c'est un mot très très mal choisi, mais en tout cas la moindre prévalence de ces comportements stéréotypés. Ah non, pas du tout. Non, le cortex chez les mammifères fait qu'il va y avoir peut-être des comportements plus complexes, des capacités cognitives plus complexes en termes de raisonnement, en termes de planification, en termes de... Mais ça ne veut pas du tout dire que parce qu'il y a un cortex, il y a moins d'instincts. Gilles Boeuf ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. On le dit depuis tout à l'heure, en fait. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Ça serait trop simple, encore une fois. Ouais, j'essaie de trouver un endroit, j'essaie de trouver un siège, j'essaie de comprendre avec vous mon petit cortex non spécifique. Nous aussi, on essaie de comprendre en permanence. Hein. Mais on a fait des manips que je trouvais d'ailleurs très, très discutables chez des primates, chez des cercopithèques. Heureusement, on n'a pas fait sur des chimpanzés, qui consistaient à enlever justement une partie du cortex chez le fœtus intra-utéro et de faire naître un bébé sans ses yeux, par exemple, ça a été fait. Bon, en dehors du fait qu'éthiquement c'est inacceptable, on n'a pas des choses qui ont été très démonstratives. Hein. Parlons de ce que vous connaissez bien, Anne-Sophie d'Armaillac, parlons des céphalopodes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on étudie précisément ces questions liées à l'apprentissage, à la distinction entre des comportements instinctifs, des comportements innés et des comportements appris? Comment est-ce que vous travaillez, vous, à l'Université de Caen, sur ces céphalopodes? Eh bien, on travaille autour de la naissance. On essaye d'interroger l'animal le plus jeune possible pour qu'il ait le moins d'expérience possible. En fait, l'idée, c'est de pouvoir contrôler un maximum de choses. Donc, en ce sens, les espèces ovipares, que ce soit les céphalopodes ou les oiseaux, sont des modèles assez privilégiés parce qu'il n'y a pas de soins parentaux aux œufs. Donc, on peut les mettre dans les conditions qu'on a choisies. On peut leur choisir leur environnement, faire tout ce qu'on veut. Donc, on regarde comment réagit un embryon qui n'a jamais rien vu à telle ou telle stimulation, ce qui n'est pas forcément une situation très, très, très, très biologique pour lui. Mais bon, voilà, on essaye de séparer. En éthologie, il y a des techniques... De contrôle des paramètres. De contrôle des paramètres, mmh, avec des leurres, hein, ce que faisait déjà Tinbergen à l'époque. C'est lui qui utilisait... Il résumait un stimulus multimodal très complexe, un poisson par exemple, à juste deux couleurs. Et regarder si c'était la couleur qui était importante, si c'était la forme, si c'était le mouvement. Et c'est d'ailleurs souvent la couleur qui est importante et qui déclenche les réactions plus que la forme ou le photoréalisme. Alors ça dépend des espèces, oui. Chez la sèche, non, parce qu'elle ne voit pas les couleurs. Mais par exemple, nous, on s'est intéressé à la mise en place des préférences alimentaires chez la sèche. Et on s'est basé sur des études des années 1960 qui avaient utilisé des leurres et qui disait que les sèches préféraient plutôt les proies de forme allongée qui se déplaçaient dans le sens de l'allongement, donc ce qui correspondrait à des petites crevettes ou des petits crustacés décapodes. Et en donnant, nous, en essayant de reprendre ces études et en donnant le choix aux petites sèches qui n'avaient jamais fait de repas, hein, qui étaient naïves au niveau alimentaire, on s'est rendu compte que quand on leur laissait le choix, effectivement, c'était plus vers des proies de type petite crevette ou petit poisson qu'elles se dirigeaient, plus que des crabes, ce qui allait plutôt dans le sens d'une préférence innée. Sauf qu'on s'est aussi rendu compte que si, cette fois-ci, on leur donnait une expérience... On les exposait à des crabes à la naissance ou juste avant la naissance, on voyait des modifications, une modification des préférences alimentaires. Donc, dans inné, dans génétique programmée, il y a quand même cette idée de rigidité et on se rend compte que finalement, la préférence alimentaire n'est pas rigide et qu'elle est sujette à l'expérience embryonnaire ou juste à la naissance. Donc, ça s'entend parce que avoir une préférence pour un type de proie en particulier, si la sèche naît dans un environnement où il n'y a pas ses crevettes, elle ne s'alimente pas, elle meurt. À l'inverse, si elle est capable d'apprendre les caractéristiques des proies qui sont présentes dans l'environnement, qui a peut-être été choisie par la femelle, hein, ça on n'est pas encore remonté au choix des femelles concernant les sites de ponte, voilà, elle est capable d'apprendre ça, ce qui fait qu'à l'éclosion, à la sortie de l'œuf, quand elle va devoir commencer à chasser ses proies, elle va chasser ce qu'elle a vu le plus souvent autour de la ponte. Mmh. C'est un peu le principe de l'empreinte de Lorenz, hein, l'oisillon, va suivre ce qu'il a vu en premier à la naissance pendant une période très courte et qui suivant l'éclosion. Et en général, ce qui est présent à côté de l'œuf, c'est la mère. Donc il y a un attachement qui va se faire. Bon, là, c'est pas un attachement à la proie, mais c'est quand même une direction du comportement vers ce type de proie. Ce qui est intéressant, hein, dans ce qu'en vient de dire Anne-Sophie Darmaillac, ce qui m'amène vers la conclusion de cette émission, c'est que ce qu'on a vu, ce qu'on a compris pendant très longtemps comme étant effectivement un système non variable, stéréotypé, extrêmement rigide, de l'instinct intrinsèque à la nature animale, on se rend compte que c'est finalement un système évolutif beaucoup plus souple qui conduit les espèces à s'adapter le cas échéant. Gilles Boeuf, et donc finalement à être beaucoup plus modulable que ce que l'on a décrit ou ce que Lorenz décrivait encore il y a une cinquantaine d'années. Oui, bien sûr, il reste des choses qui sont claires. Par exemple, moi qui aime bien les insectes, vous avez des buprestes, vous les prenez dans une boîte jaune. Si vous avez un pull bleu, n'allez jamais dans une zone où vous avez des temps. Hein, ils vont tous s'accumuler sur le bleu. C'est spectaculaire, c'est toujours comme ça. Donc là, ça peut paraître effectivement très stéréotypé. Alors pourquoi, ne me demandez pas pourquoi les mouches aiment bien le bleu et puis mes buprestes aiment bien le jaune, mais chez les insectes, la couleur est très importante, chez l'abeille aussi. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'autour de choses qui pourraient paraître effectivement rigides, le vivant n'est jamais comme ça, en fait. Parce que si le vivant est... Vous savez, regardez le comportement des saumons, j'ai passé ma vie à travailler dessus, ils reviennent pondre dans la rivière de laquelle ils sont partis. Oui, c'est vrai. N'empêche que vous avez toujours quelques pourcents qui font ce qu'on appelle le coefficient de divagation. Ils vont aller pondre ailleurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet de trouver de nouveaux territoires. Et dans ces comportements, on revient à la reproduction, on revient à la nutrition, on revient au site de croissance et d'endroits où on peut trouver sa nourriture. Et tout revient à la même question. Est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Est-ce que je vais pas être mangé aujourd'hui? Donc tous ces comportements ont été dans une foultitude de différences, bien sûr, avec probablement bien plus d'un milliard d'espèces qui existent sur la Terre depuis que la Terre tourne, ont permis de nous mettre dans des situations intéressantes. Mais ce qu'il faut garder bien en tête à chaque fois, c'est que s'ils sont encore là avec nous aujourd'hui, c'est parce que vraiment, effectivement, ils sont pas aussi stupides qu'on le croyait. Hein. Mais est-ce qu'on peut faire peut-être une différence, un nivellement ou une hiérarchie entre ces taxis que vous décrivez, par exemple, c'est-à-dire l'attrait d'un insecte pour la lumière, tout le monde en a fait l'expérience, les nuits d'été, avec une ampoule ouverte et une fenêtre et toutes les... Ces taxis, donc ces attraits instinctifs où l'inné est extrêmement fort, très marqué, et d'autres formes d'adaptation qui sont, par exemple, les adaptations nutritives que vous évoquiez, Anne-Sophie Darmaillac, où un animal, où la descendance d'un animal peut changer, peut s'adapter à son milieu et changer d'alimentation pour survivre. Ouais. Est-ce qu'il y a une gradation là-dedans, de l'un à l'autre, ou pas du tout? Non, encore une fois, il y a les deux. Enfin, dans une proie, dans un prédateur, je parlais tout à l'heure de stimulus multimodal, il y a un mouvement, il y a une odeur, il y a une forme, il y a des caractéristiques. Donc, le fait de reconnaître une caractéristique instantanément sans avoir à l'apprendre avant, ça permet une réaction plus rapide et puis cette réaction va être modulée en fonction, d'une vision plus globale de ce stimulus. Si on reprend l'épinoche de Tinbergen, les mâles ont des ventres rouges. Donc il a montré qu'avec des leurres qui étaient à moitié blancs, à moitié rouges, ça déclenchait les comportements agressifs des mâles. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En particulier quand le rouge était en bas plutôt que quand il est en haut. Donc ça, c'est des choses qui vont être très rapides. Et ça permet à l'animal de réagir très vite à l'arrivée d'un intrus sur un territoire ou à un prédateur près de soi. Mais ça permet à l'individu de se mettre en alerte et peut-être qu'après, il y a une analyse plus fine du stimulus dans sa globalité à travers toutes ses modalités sensorielles. Gilles Boeuf, sur cette différence entre la phototaxie que vous décriviez tout à l'heure et puis, par exemple, encore une fois, l'apprentissage de la nourriture. Regardez, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la fuite face à un prédateur. Tout existe. Vous avez des espèces qui, lorsque l'intrus arrive, il fuit pas parce qu'il est sur son territoire à lui. Et vous avez un minuscule petit poisson qui va attaquer un monstre par rapport à lui. Alors que, bien sûr, dans des conditions qui ne sont pas celles de son territoire à lui, il serait parti depuis longtemps. Et là, il peut être tellement, je dirais, impressionnant qu'il va impressionner le gros, qu'il va s'en aller. Donc tout ça, c'est... Et alors en plus, n'oublions jamais que ces comportements, ils se font bien sûr entre les individus d'une même espèce, mais entre aussi les espèces entre elles différentes. Et tout ça intervient dans tous les sens. Donc c'est très compliqué de vouloir codifier cela. Et moi, je pense qu'il y a de la place absolument pour tout. Il y a des choses qui sont instinctives, parce que si on les avait pas, on serait plus là, parce qu'on n'aurait pas pu réagir face à une agression ou quelque chose de particulier. Et puis après, ça se diversifie incroyablement dans le temps, au fur et à mesure de l'apprentissage. Mais là, c'est très variable selon les individus au sein des mêmes espèces. Ça voudrait dire qu'on en arriverait, si on vous écoute, à une forme de contre ou d'anti-déterminisme total. C'est-à-dire que finalement, il n'y a aucun phénotype qui n'a une irritabilité à 100%. Anne-Sophie Darmaillac ou Gilles Boeuf. Le coup de la girafe, si. Hein. La girafe, elle a un grand coup et ça lui permet d'exploiter une couche du strat de la végétation dans les savanes africaines. On l'a bien montré avec l'expérience de Lamarck, le coup s'est pas allongé parce qu'elle a continué. Mais n'empêche que les individus qui avaient des coups plus longs ont eu accès à des strates de végétation auxquelles n'avaient pas accès les autres, à part peut-être les éléphants. Donc c'est ça qui se passe en fait. Mais donc il y a bien une base. Nous sommes des humains tous les trois qui discutons là. Il y a des girafes, il y a des grandes sèches qu'on adore, il y a tout ce que vous voulez. Mais au sein de tout ça, il y a une énorme variabilité dans tout ça et une influence de l'environnement. Tout à l'heure on parlait d'épigénétique, bien sûr, ça on découvre des choses intéressantes, mais il y a énormément de choses incomportables. Par exemple, je terminerai là-dessus, des hypoxies, c'est vraiment l'agression la plus grave pour un poisson. C'est ce dont il a peur, en facteur du milieu qui bouge. Vous prenez un petit bassin, vous mettez des poissons dedans et vous baissez le niveau de l'eau. Ils ont des mécanorécepteurs qui leur montrent que la pression de l'eau diminue. Ça les met dans une terreur extrême. Un an après, ils sont plus petits que ceux qui n'ont pas vécu ce stress particulier. Donc vous voyez que le comportement face à une agression, ils ont survécu, ils s'en sont sortis. N'empêche que ça les a marqués pour toujours. C'est vraiment une marque indélébile. Donc, chaque individu est l'ensemble de tout ça. Alors, quand on expérimente dessus, c'est pas facile, on connaît pas toutes les histoires. Et Anne-Sophie a raison quand elle dit qu'elle commence sur le plus petit individu possible. Alors, oui, peut-être en deux mots. Pour conclure sur l'épigénétique qu'on a mentionné plusieurs fois, ce qui est transmis d'un parent à ses petits, c'est quand même un génome. Donc on ne peut pas passer à côté des gènes. Mais l'épigénétique montre que l'environnement du gène, en fonction de l'environnement du gène, donc les protéines qui sont autour de l'ADN, certaines protéines vont s'exprimer, pas s'exprimer et modifier des comportements de façon durable à travers les générations. Et on va vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée à l'épigénétique pour faire le point sur tout ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup à Gilles Boeuf. Merci à nos collègues de France Bleu Gironde à Bordeaux pour le duplex. Merci beaucoup Anne-Sophie Darmaillac. Je signale que vous avez coordonné avec Frédéric Lévy l'ouvrage Éthologie animale. C'est chez Debuck Éditeur. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nomine Nightgate de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Clément Daté à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est dans un instant la nouvelle série documentaire de la semaine, LSD consacrée toute la semaine de lundi à jeudi aux 70 ans d'Israël, Les Bougies du Désenchantement. C'est une série signée Alain Lefkovitch et réalisée par Assia Khalid. Tout à l'heure à 18h20, du grain à moudre, les entreprises peuvent-elles se contenter de faire du profit? C'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, demain, nous remonterons le temps sur Terre et dans le ciel puisque nous parlerons des débuts de l'astronomie tant en Asie qu'en Occident. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.